Section 22 de la lecture, tome 7e. Ceci était un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. La lecture, tome 7e. Section 22, Le rêve, par Émile Zola, chapitre 2, suite. Cependant, les semaines, les mois coulaient. 2 années s'étaient passées. Angélique avait 14 ans et devenait femme. Quand elle lisait la légende, ses oreilles bourdonnaient. Le sang battait dans les petites veines bleues de ses tempes et, maintenant, elle se prenait d'une tendresse fraternelle pour les vierges. Virginité est sœur des anges, possession de tout bien, défaite du diable, seigneurie de foi. Elle donne la grâce, elle est l'invincible perfection. Le Saint-Esprit rend Luce si pesante que 1000 hommes et 5 paires de bœufs, sur l'ordre du proconsul, ne peuvent la traîner à un mauvais lieu. Un gouverneur qui veut embrasser Anastasie devient aveugle. Dans les supplices, la candeur des vierges éclate. Leur chair très blanche, labourée par les peignes de fer, laisse ruisseler des fleuves de lait au lieu de sang. À 10 reprises revient l'histoire de la jeune chrétienne, fuyant sa famille, cachée sous une robe de moine, qu'on accuse d'avoir mis à mal une fille du voisinage qui souffre la calomnie sans se disculper, mais qui triomphe dans la brusque révélation de son sexe innocent. Eugénie est ainsi amenée devant un juge, reconnaît son père, déchire sa robe et se montre. Éternellement, le combat de la chasteté recommence. Toujours les aiguillons renaissent. Aussi, la peur de la femme est-elle la sagesse des saints. Ce monde est semé de pièges. Les ermites vont au désert où il n'y a pas de femmes. Ils luttent effroyablement, se flagellent, se jettent nus dans les ronces et sur la neige. Un solitaire aidant sa mère à traverser un gué se couvre les doigts de son manteau. Un martyr, attaché, tenté par une fille, coupe avec les dents sa langue qu'il lui crache au visage. François déclare qu'il n'a pas de plus grand ennemi que son corps. Bernard crie « Au voleur ! Au voleur !» pour se défendre contre une dame, son hôtesse. Une femme à qui le pape Léon donne l'hostie le baise à la main et il se tranche le poignet et la Vierge Marie remet la main en place. Tous glorifient la séparation des époux. Alexis, très riche, marié, instruit sa femme dans la chasteté, puis s'en va. On ne s'épouse que pour mourir. Justine, tourmentée par la vue de Cyprien, résiste, le convertit et marche avec lui au supplice. Cécile, aimée d'un ange, révèle ce secret le soir des noces à Valérien, son mari, qui veut bien ne pas la toucher et recevoir le baptême afin de voir l'ange. Il trouva en sa chambre Cécile parlant à l'ange, et l'ange tenoit en sa main 2 couronnes de roses, et les bailla l'une à Cécile, l'autre à Valérien, et dit « Gardez ces couronnes de cœur et de corps sans macule. » La mort est plus forte que l'amour, c'est un défi à l'existence. Hilaire prie Dieu d'appeler au ciel sa fille Appia, pour qu'elle ne se marie point. Elle meurt, et la mère demande au père de la faire appeler également, ce qui est fait. La Vierge Marie elle-même enlève aux femmes leurs fiancés. Un noble, parent du roi de Hongrie, renonce à une jeune fille d'une beauté merveilleuse dès que Marie entre en lutte. Soudainement apparut Notre-Dame à lui disant « Si je suis si belle comme tu dis, pourquoi me laisses-tu pour une autre ?» Et il se fiance à elle. Parmi toutes ces saintes, Angélique eut ses préférées, celles dont les leçons allaient jusqu'à son cœur, qui la touchaient au point de la corriger. Ainsi la sage Catherine, née dans la pourpre, l'enchantait par la science universelle de ses 18 ans, lorsqu'elle dispute avec les 50 rhéteurs et grammairiens que lui oppose l'empereur Maxime. Elle les confond, les réduit au silence. Ils furent ébahis et ne surent que dire, mais se turent tous, et l'empereur les blâma pour ce qu'ils estoient laissés vaincre si laidement d'une pucelle. Les 50 alors vont lui déclarer qu'ils se convertissent. Et, à donc, quand le tyran ouït ce, il fut tout épreint de grande forcenerie et commanda qu'ils fussent tout hardes au milieu de la cité. À ses yeux, Catherine était la savante invincible, aussi fière et éclatante de sagesse que de beauté, celle qu'elle aurait voulu être, pour convertir les hommes et les faire nourrir en prison par une colombe avant d'avoir la tête tranchée. Mais surtout Élisabeth, la fille du roi de Hongrie, lui devenait un continuel enseignement. À chacune des révoltes de son orgueil, lorsque la violence l'emportait, elle songeait à ce modèle de douceur et de simplicité, pieuse à 5 ans, refusant de jouer, se couchant par terre pour rendre hommage à Dieu, plus tard épouse obéissante et mortifiée du landgrave de Thuringe, montrant à son époux un visage gai que des larmes inondaient toutes les nuits, enfin veuve continente, chassée de ses états, heureuse de mener la vie d'une pauvresse. Sa vesture et toi civile qu'elle portoi un manteau gris allongé d'autres couleurs de drap. Les manches de sa cotte estoi rompues et ramandées d'autres couleurs. Le roi, son père, l'envoie chercher par un comte. Et quand le comte la vit en tel habit effilant, il s'écria de douleur et de merveille et dit « Onque fille de roi, ne apparut en tel habit, ne fut vue Philélène. » Elle est la parfaite humilité chrétienne qui vit de pain noir avec des mendiants, panse leurs plaies sans dégoût, porte leurs vêtements grossiers, dort sur la terre dure, suit les processions pieds nus. Elle la voit aucune fois les écuelles et les vaisseaux de la cuisine, et ce mussoit et ce cachoit que les chambrières ne l'en détournassent et disoient. Si je eusse trouve une autre vie plus dépite, je l'eusse périse. De sorte qu'Angélique, raidie de colère autrefois, lorsqu'on lui faisait laver la cuisine, s'ingéniait maintenant à des besognes basses, quand elle se sentait tourmentée du besoin de domination. Enfin, plus que Catherine, plus qu'Élisabeth, plus que toute, une sainte lui était chère, Agnès, l'enfant martyr. Son cœur tressaillait en la retrouvant dans la légende, cette vierge vêtue de sa chevelure qui l'avait protégée sous la porte de la cathédrale. Quelle flamme de pur amour! Comme elle repousse le fils du gouverneur qui l'accoste au sortir de l'école. Da, hors de moi, pasteur de mort, commencement de pêche et nourrissement de félonie. Comme elle célèbre l'amant. J'aime celui duquel la mère est vierge et le père ne connut onque femme de la beauté duquel le soleil et la lune ces merveilles par l'odeur duquel les morts revivent. Et quand Aspasien commande qu'on lui mette un glaive parmi la gorge, elle monte au paradis s'unir à son espoux blanc et vermeil. Depuis quelques mois surtout, à des heures troubles, lorsque des chaleurs de sang lui battaient les tempes, Angélique l'évoquait, l'implorait et tout de suite il lui semblait être rafraîchi. Elle la voyait continuellement à son entour. Elle se désespérait de faire souvent, de penser des choses dont elle la sentait fâchée. Un soir, qu'elle se baisait les mains, ainsi qu'elle en prenait parfois encore le plaisir, elle devint brusquement très rouge et se tourna, confuse, bien qu'elle fût seule, ayant compris que la sainte l'avait vue. Agnès était la gardienne de son corps. À 15 ans, Angélique fut ainsi une adorable fille. Certes, ni la vie cloîtrée et travailleuse, ni l'ombre douce de la cathédrale, ni la légende aux belles saintes n'avaient fait d'elle un ange, une créature d'absolue perfection. Toujours des fougues l'emportaient, des fautes se déclaraient, par des échappées imprévues, dans des coins d'âme qu'on avait négligé de murer. Mais elle se montrait si honteuse alors, elle aurait tant voulu être parfaite. Et elle était si humaine, si vivante, si ignorante et pure au fond. En revenant d'une des grandes courses que les Hubert se permettaient deux fois l'an, le lundi de la Pentecôte et le jour de l'Assomption, elle avait arraché un églantier, puis s'était amusée à le replanter dans l'étroit jardin. Elle le taillait, l'arrosait, il y repoussait plus droit, il y donnait des églantines plus larges, d'une odeur fine, ce qu'elle guettait avec sa passion habituelle, répugnante à le greffer pourtant, voulant voir si un miracle ne lui ferait pas porter des roses. Elle dansait alentour, elle répétait d'un air ravi « C'est moi, c'est moi !» Et si on la plaisantait sur son rosier de grand chemin, elle en riait elle-même, un peu pâle, des larmes au bord des paupières. Ses yeux couleur de violette s'étaient encore adoucis. Sa bouche s'entr'ouvrait, découvrait les petites dents blanches dans l'ovale allongé du visage que les cheveux blonds d'une légèreté de lumière nimbaient d'or. Elle avait grandi sans devenir fluette, le cou et les épaules toujours d'une grâce fière, la gorge ronde, la taille souple et gaie et saine, une beauté rare, d'un charme infini où fleurissait la chair innocente, l'âme chaste. Les Hubert, chaque jour, se prenaient pour elle d'une affection plus vive. L'idée leur était venue à tous deux de l'adopter. Seulement, ils n'en disaient rien, de peur d'éveiller leur éternel regret. Aussi, le matin où le mari se décida, dans leur chambre, la femme, tombée sur une chaise, fondit-elle en sanglots. Adopter cet enfant, n'était-ce pas renoncer à en avoir jamais un? Certes, il n'y fallait plus guère compter à leur âge, et elle consentit, vaincue par la bonne pensée d'en faire sa fille. Angélique, quand ils lui en parlèrent, leur sauta au cou, étrangla de larmes. C'était chose entendue, elle resterait avec eux, dans cette maison toute pleine d'elle maintenant, rajeunie de sa jeunesse, rieuse de son rire. Mais dès la première démarche, un obstacle les consterna. Le juge de paix, M. Grandcyre, consulté, leur expliqua la radicale impossibilité de l'adoption, la loi exigeant que l'adopté soit majeur. Puis, comme ils voyaient leur chagrin, il leur suggéra l'expédient de la tutelle officieuse. Tout individu âgé de plus de 50 ans peut s'attacher à un mineur de moins de 15 ans par un titre légal en devenant son tuteur officieux. Les âges y étaient. Ils acceptèrent, enchantés, et même il fut convenu qu'ils conféreraient ensuite l'adoption à leur pupille par voie testamentaire, ainsi que le code le permet. M. Grandcyre se chargea de la demande du mari et de l'autorisation de la femme, puis se mit en rapport avec le directeur de l'assistance publique, tuteur de tous les enfants assistés, dont il fallait obtenir le consentement. Il y eut enquête. Enfin, les pièces furent déposées à Paris, chez le juge de paix désigné. Et l'on n'attendait plus que le procès-verbal qui constitue l'acte de la tutelle officieuse, lorsque les Hubert furent pris d'un scrupule tardif. Avant d'adopter ainsi Angélique, est-ce qu'il n'aurait pas dû faire un effort pour retrouver sa famille? Si la mère existait, où prenait-il le droit de disposer de la fille sans être absolument certain de son abandon? Puis, au fond, il y avait cet inconnu, cette souche gâtée d'où sortait l'enfant, peut-être, qui les inquiétait autrefois, dont le souci leur revenait à cette heure. Ils s'en tourmentaient tellement qu'ils n'en dormaient plus. Brusquement, Hubert fit le voyage de Paris. C'était une catastrophe dans son existence calme. Il mentit à Angélique, il parla de la nécessité de sa présence pour la tutelle. En 24 heures, il espérait tout savoir. Mais à Paris, les jours coulèrent, des obstacles se dressaient à chaque pas. Il y passa une semaine, rejeté des uns aux autres, battant le pavé, éperdu, pleurant presque. D'abord, à l'assistance publique, on le reçut fort sèchement. La règle de l'administration, et que les enfants ne soient pas renseignés sur leur origine jusqu'à leur majorité. 3 matins de suite, on le renvoya. Il dut s'obstiner, s'expliquer dans 4 bureaux, s'enrouer à se présenter comme tuteur officieux, avant qu'un sous-chef, un grand sec, voulût bien lui apprendre l'absence absolue de documents précis. L'administration ne savait rien. Une sage-femme avait déposé l'enfant, Angélique Marie, sans nommer la mère. Désespéré, il allait reprendre la route de Beaumont quand une idée le ramena une 4e fois pour demander communication de l'extrait de naissance qui devait porter le nom de la sage-femme. Ce fut toute une affaire encore. Enfin, il connut le nom, Madame Foucard, et il apprit même que cette femme demeurait rue des 2 Écus en 1850. Alors les courses recommencèrent. Le bout de la rue des 2 Écus était démoli. Aucun boutiquier des rues voisines ne se rappelait Madame Foucard. Il consulta un annuaire. Le nom ne s'y trouvait plus. Les yeux levés, guettant les enseignes, il se résigna à monter chez les sages-femmes et ce fut ce moyen qui réussit. Il eut la chance de tomber sur une vieille dame, laquelle se récria. Comment, si elle connaissait Madame Foucard? Une personne d'un si grand mérite qui avait eu bien des malheurs. Elle demeurait rue Sensier, à l'autre bout de Paris. Il y courut. Là, instruit par l'expérience, il s'était promis d'agir diplomatiquement. Mais Madame Foucard, une femme énorme, tassée sur des jambes courtes, ne le laissa pas déployer en bel ordre les questions qu'il avait préparées à l'avance. Dès qu'il lâcha les prénoms de l'enfant et la date du dépôt, elle partit d'elle-même. Elle conta toute l'histoire dans un flot de rancune. Ah, la petite vivait! Eh bien, elle pouvait se flatter d'avoir pour mère une fameuse coquine! Oui, Madame Sidonie, comme on la nommait depuis son veuvage, une femme très bien apparentée, ayant un frère ministre, disait-on, ce qui ne l'empêchait pas de faire les plus vilains commerces. Et elle expliqua de quelle façon elle l'avait connue, quand la gueuse tenait rue Saint-Honoré un commerce de fruits et d'huile de Provence, à son arrivée de Plassans, d'où il débarquait, elle et son mari, pour tenter fortune. Le mari mort et enterré, elle avait eu une fille 15 mois après, sans savoir au juste où elle l'avait prise, car elle était sèche comme une facture, froide comme un protêt, indifférente et brutale comme un recors. On pardonne une faute, mais l'ingratitude. Est-ce que le magasin mangeait, elle, Madame Foucard, ne l'avait pas nourrie pendant ses couches, ne s'était pas dévouée jusqu'à la débarrasser en portant la petite là-bas? Et pour récompense, lorsqu'elle était à son tour tombée dans la peine, elle n'avait pas réussi à en tirer le mois de la pension, ni même 15 francs prêtés de la main à la main. Aujourd'hui, Madame Sidonie occupait, rue du Faubourg Poissonnière, une petite boutique et 3 pièces à l'entresol, où, sous le prétexte de vendre des dentelles, elle vendait de tout. Ah oui, une mère de cette espèce, il valait mieux ne pas la connaître. 1 heure plus tard, Hubert était à rôder autour de la boutique de Madame Sidonie. Il y entrevit une femme maigre, blafarde, sans âge et sans sexe, vêtue d'une robe noire, élimée, tachée de toutes sortes de trafics louches. Jamais le ressouvenir de sa fille, née d'un hasard, n'avait dû échauffer ce cœur de courtière. Discrètement, il se renseigna, apprit des choses qu'il ne répéta à personne, pas même à sa femme. Pourtant, il hésitait encore. Il revint une dernière fois passer devant les 3 magasins mystérieux. Ne devait-il point se faire connaître, obtenir un consentement? C'était à lui, honnête homme, de juger s'il avait le droit de trancher ainsi le lien pour toujours. Brusquement, il tourna le dos. Il rentra le soir à Beaumont. Hubertine venait justement de savoir, chez M. Grandcire, que le procès-verbal pour la tutelle officieuse était signé. Et lorsqu'Angélique se jeta dans les bras d'Hubert, il vit bien, à l'interrogation suppliante de ses yeux, qu'elle avait compris le vrai motif de son voyage. Alors, simplement, il lui dit « Mon enfant, ta mère est morte. » Angélique, pleurante, les embrassa avec passion. Jamais il n'en fut reparlé. Elle était leur fille. Fin de la section 22. lu par Sophie Aveul-Les Roses en octobre 2024.